on a pris de l'âge. À l'aube de la trentaine, ne parle pas de broutille, parle-moi d'affaires concrètes. On a pris de l'âge. À l'aube de la trentaine, ne parle pas de broutille, parle-moi d'affaires concrètes. On voit les choses en grand, on investit comme les Qataris. Je m'interdis de poser les genoux à terre sur le tatami. Jeune et sonien, tête sur les épaules, c'est comme ça que je me définis. Je prends des risques en sachant qu'on échappe pas à sa destinée. Les jaloux jactent, envie notre classe. Toujours une paire de sunglasses pour la frime, je suis pas un pilote clair. Mon avenir, impossible de savoir ce qui m'attend. On a retrouvé Paul le poule d'une trace de canon sur la tempe. J'espère ne pas avoir le même mec double. Pour ça j'évite de côtoyer les mecs louches. L'indépendance est dans mes gènes, je n'ai pas besoin de ton aide. Infâme staff, équipe de frères, je connais pas le terme collègue. Des clichés, je les regarde mal et les attrape par le col. Je suis saïrois, mais je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. On voit les choses en grand, on investit comme les Qataris. Je m'interdis de poser les genoux à terre sur le tatami. Appelle-moi Teddy Riner, c'est pas mes rimes qui me rapportent des thunes. Je vous mets à l'amende et pourtant dans le rap je suis qu'un intérimaire. On voit les choses en grand, on investit comme les Qataris. Je m'interdis de poser les genoux à terre sur le tatami. Appelle-moi Teddy Riner, c'est pas mes rimes qui me rapportent des thunes. Je vous mets à l'amende et pourtant dans le rap je suis qu'un intérimaire. Les jaloux veulent nous mettre en suspens. Ici y'a des mecs suspects, des mecs prêts à tout. Plaqué pour un billet, j'ai nagé dans la merde à ne plus en avoir pied. J'ai 3-4 frères, j'ai pas besoin de m'éparpiller. Tu me portes la haine, on te rendra handicapé. J'en aurais même pas pitié. J'ai moins le trac depuis mon premier concert. Trop de questions qui se posent, en choper un ulcère. Ici bas y'a rien que des ramollis du veau. C'est épuisé, j'pars loin pour changer d'air, revenir meilleur. Mais rien ne change, le stress a remplacé la misère. Des terres j'achète, j'revends, je deviens plus fort quand j'perds. Mon destin est écrit, j'avance, j'fais ce que j'ai à faire. On cherche à être des boss, pas des beaux gosses. On avance mollo sans quitte-noce. J'suis un corbeil, si tu veux me croiser, le poing levé, le regard caché derrière mes LV. On voit les choses en grand, on investit comme les Qataris. Je m'interdis de poser les genoux à terre sur le tatami. Appelle-moi Teddy Riner, c'est pas mes rimes qui me rapportent des thunes. Je vous mets à l'amende et pourtant dans le rap je suis qu'un intérimaire. On voit les choses en grand, on investit comme les Qataris. Je m'interdis de poser les genoux à terre sur le tatami. Appelle-moi Teddy Riner, c'est pas mes rimes qui me rapportent des thunes. Je vous mets à l'amende et pourtant dans le rap je suis qu'un intérimaire. Hey. J'taille la mine et ce pour gratter des titres. Pendant que les putes taillent des pipes pour gratter des feats. Cheikh Ahmed, brut, t'as compris le truc. ISF, clic, solide comme des rocs. Pas besoin de feat, venu prendre le fric. Te laisser en slip, la relève du haut choc. T'as pas besoin de réplique. Non merci, on suffit à nous-mêmes. On ne demande jamais l'aumône. Casse dédié à nous-mêmes, nous parle pas de conquête. On est déjà sur le trône. On a troqué nos casquettes contre la couronne. L'union fait la force, ne vient pas jouer les surhommes. L'instru est bonne, tu m'étonnes. On n'a pas attendu, kick est violent pour que tu sois fan. 5 piges sans rapper, on surnomme Cheikh Ahmed. En feat avec mon gars, brut, tu ne peux que dead. Tu ne peux que dead. On voit les choses en grand, on investit comme les Qataris. Je m'interdis de poser les genoux à terre sur le tatami. Appelle-moi Teddy Riner, c'est pas mes rimes qui me rapportent des thunes. Je vous mets à l'amende et pourtant dans le rap je suis qu'un intérimaire. On voit les choses en grand, on investit comme les Qataris. Je m'interdis de poser les genoux à terre sur le tatami. Appelle-moi Teddy Riner, c'est pas mes rimes qui me rapportent des thunes. Je vous mets à l'amende et pourtant dans le rap je suis qu'un intérimaire.